Le roman d'un enfant, Pierre Loti, 1890. Chapitre 1. C'est avec une sorte de crainte que je touche à l'énigme de mes impressions du commencement de la vie. Incertain si bien réellement je les éprouvais moi-même, ou si plutôt elles n'étaient pas des ressouvenirs mystérieusement transmis. J'ai comme une hésitation religieuse à sonder cet abîme. Au sortir de ma nuit première, mon esprit ne s'est pas éclairé progressivement par lueur gradée, mais par jets de clarté brusque qui devaient dilater tout à coup mes yeux d'enfant et m'immobiliser dans des rêveries attentives, puis qui s'éteignaient, me replongeant dans l'inconscience absolue des petits animaux qui viennent de naître, des petites plantes à peine germées. Au début de l'existence, mon histoire serait simplement celle d'un enfant très choyé, très tenu, très obéissant et toujours convenable dans ses petites manières, auquel rien n'arrivait, dans son étroite sphère ouatée qui ne fut prévue et qu'aucun coup n'atteignait qui ne fût amorti avec une sollicitude tendre. Aussi voudrais-je ne pas écrire cette histoire qui serait fastidieuse, mais seulement noter, sans suite ni transition, des instants qui m'ont frappé d'une étrange manière, qui m'ont frappé tellement que je m'en souviens encore avec une netteté complète, aujourd'hui que j'ai oublié déjà tant de choses poignantes et tant de lieux, tant d'aventures, tant de visages. J'étais, en ce temps-là, un peu comme serait une hirondelle, née d'hier, très haut à l'angle d'un toit, qui commencerait à ouvrir de temps à autre, au bord du nid, son petit œil d'oiseau, et s'imaginerait de là, en regardant simplement une cour et une rue, voir les profondeurs du monde et de l'espace, les grandes étendues de l'air que plus tard il lui faudra parcourir. Ainsi, durant ces minutes de clairvoyance, j'apercevais furtivement toutes sortes d'infinis, dont je possédais déjà sans doute, dans ma tête, antérieurement à ma propre existence, les conceptions latentes. Puis, refermant malgré moi l'œil encore trouble de mon esprit, je retombais pour des jours entiers dans ma tranquille nuit initiale. Au début, ma tête toute neuve et encore obscure pourrait aussi être comparée à un appareil de photographe rempli de glace sensibilisée. Sur ces plaques vierges, les objets insuffisamment éclairés ne donnent rien, tandis que, au contraire, quand tombe sur elle une vive clarté quelconque, elle se cerne de larges taches claires où les choses inconnues du dehors viennent se graver. Mes premiers souvenirs, en effet, sont toujours de plein été lumineux, de midis étincelants, ou bien de feux de branches à grandes flammes roses. Chapitre 2. Comme si c'était d'hier, je me rappelle le soir où, marchant déjà depuis quelque temps, je découvris tout à coup la vraie manière de sauter et de courir, et me grisais jusqu'à tomber de cette chose délicieusement nouvelle. Ce devait être au commencement de mon second hiver, à l'heure triste où la nuit vient. Dans la salle à manger de ma maison familiale, qui me paraissait alors un lieu immense, j'étais, depuis un moment sans doute, engourdi et tranquille sous l'influence de l'obscurité envahissante. Pas encore de lampe allumée nulle part. Mais, l'heure du dîner approchant, une bonne vint, qui jeta dans la cheminée, pour ranimer les bûches endormies, une brassée de menu bois. Alors, ce fut un beau feu clair. Subitement, une belle flambée joyeuse illuminant tout, et un grand rond lumineux se dessina au milieu de l'appartement, par terre, sur le tapis, sur les pieds des chaises, dans ces régions basses qui étaient précisément les miennes. Et ces flammes dansaient, changeaient, s'enlaçaient, toujours plus hautes et plus gaies, faisant monter et courir le long des murailles les ombres allongées des choses. Oh, alors je me levai tout droit, saisi d'admiration, car je me souviens à présent que j'étais assis au pied de ma grand-tante Berthe, déjà très vieille en ce temps-là, qui sommeillait à demi dans sa chaise, près d'une fenêtre par où filtrait la nuit grise. J'étais assis sur une de ces hautes chaufferettes d'autrefois, à deux étages, si commodes pour les tout petits enfants qui veulent faire les câlins, la tête sur les genoux des grands-mères ou des grands-tantes. Donc, je me levai en extase et m'approchai de la flamme. Puis, dans le cercle lumineux qui se dessinait sur le tapis, je me mis à marcher en rond, à tourner toujours plus vite. Et enfin, sentant tout à coup dans mes jambes une élasticité inconnue, quelque chose comme une détente de ressort, j'inventai une manière nouvelle et très amusante de faire. C'était de repousser le sol bien fort, puis de le quitter de deux pieds à la fois pendant une demi-seconde, et de retomber, et de profiter de l'élan pour m'élever encore, et de recommencer toujours, pouf, pouf, en faisant beaucoup de bruit par terre, et en sentant dans ma tête un petit vertige particulier et très agréable. De ce moment, je savais sauter, je savais courir. J'ai la conviction que c'était bien la première fois, tant je me rappelle nettement mon amusement extrême et ma joie étonnée. « Ah, mon Dieu ! Mais qu'est-ce qu'il a, ce petit, ce soir ?» disait ma grand-tante Berthe un peu inquiète. Et j'entends encore le son de sa voix brusque. Mais je sautais toujours. Comme ces petites mouches étourdies, grisées de lumière, qui tournoient le soir autour des lampes, je sautais toujours dans ce rond lumineux qui s'élargissait, se rétrécissait, se déformait, dont les contours vacillaient comme les flammes. Et tout cela m'est encore si bien présent que j'ai gardé dans mes yeux les moindres rayures de ce tapis sur lequel la scène se passait. Il était d'une certaine étoffe inusable, tissée dans le pays par les tisserands campagnards, et aujourd'hui tout à fait démodée, qu'on appelait nouisse. Notre maison d'alors était restée telle que ma grand-mère maternelle l'avait arrangée lorsqu'elle s'était décidée à quitter l'île pour venir se fixer sur le continent. Je reparlerai un peu plus tard de cette île qui prit bientôt, pour mon imagination d'enfant, un attrait si mystérieux. C'était une maison de province très modeste, où se sentait l'austérité huguenote, et dont la propreté et l'ordre irréprochable étaient le seul luxe. Dans le cercle lumineux qui, décidément, se rétrécissait de plus en plus, je sautais toujours. Mais, tout en sautant, je pensais, et d'une façon intense qui, certainement, ne m'était pas habituelle. En même temps que mes petites jambes, mon esprit s'était éveillé. Une clarté un peu vive venait de jaillir dans ma tête, où l'aube des idées était encore si pâle. Et c'est sans doute à cet éveil intérieur que ce moment fugitif de ma vie doit ses dessous insondables. Qu'il doit surtout la persistance avec laquelle il restait dans ma mémoire, gravé ineffaçablement. Mais je vais m'épuiser en vain à chercher des mots pour dire tout cela, dont l'indécise profondeur m'échappe. Voici, je regardais ces chaises, alignées le long des murs, et je me rappelais les personnes âgées, grand-mère, grand-tante et tante, qui y prenaient place d'habitude, qui tout à l'heure viendraient s'y asseoir. Pourquoi n'étaient-elles pas là? En ce moment, j'aurais souhaité leur présence autour de moi comme une protection. Elles se tenaient sans doute là-haut, au second étage, dans leur chambre. Entre elle et moi, il y avait les escaliers obscurs, les escaliers que je devinais pleins d'ombre et qui me faisaient frémir. Et ma mère? J'aurais surtout souhaité sa présence à elle. Mais je la savais sortie dehors, dans ces rues longues, dont je ne me représentais pas très bien les extrémités, les aboutissements lointains. J'avais été moi-même la conduire jusqu'à la porte, en lui demandant « Tu reviendras, dis ?» Et elle m'avait promis qu'en effet, elle reviendrait. On m'a conté plus tard qu'étant tout petit, je ne laissais jamais sortir de la maison aucune personne de la famille, même pour la moindre course ou visite, sans m'être assuré que son intention était bien de revenir. « Tu reviendras, dis ?» était une question que j'avais coutume de poser anxieusement après avoir suivi jusqu'à la porte ceux qui s'en allaient. Ainsi ma mère était sortie. Cela me serrait un peu le cœur de la savoir dehors, les rues. J'étais bien content de ne pas y être, moi, dans les rues, où il faisait froid, où il faisait nuit, où les petits-enfants pouvaient se perdre. Comme on était bien ici, devant ces flammes qui réchauffaient, comme on était bien dans sa maison. Peut-être n'avais-je jamais compris cela comme ce soir. Peut-être était-ce ma première vraie impression d'attachement au foyer et d'inquiétude triste à la pensée de tout l'immense inconnu du dehors. Ce devait être aussi mon premier instant d'affection consciente pour ces figures vénérées de tante et de grand-mère qui ont entouré mon enfance et que, à cette heure de vague anxiété crépusculaire, j'aurais désiré avoir toutes à leurs places accoutumées assises en cercle autour de moi. Cependant, les belles flammes folles dans la cheminée avaient l'air de se mourir. La brassée de menu bois était consumée, et comme on n'avait pas encore allumé de lampe, il faisait plus noir. J'étais déjà tombé une fois sur le tapis de nouilles, sans me faire de mal, et j'avais recommencé de plus belle. Par instant, j'éprouvais une joie étrange à aller jusque dans les recoins obscurs, où me prenait je ne sais quelle frayeur de choses sans nom. Puis, à revenir me réfugier dans le cercle de lumière, en regardant avec un frisson si rien n'était sorti derrière moi de ces coins d'ombre pour me poursuivre. Ensuite, les flammes se mourant tout à fait, j'eus vraiment peur. Tante Berthe, trop immobile sur sa chaise et dont je sentais le regard seul me suivre, ne me rassurait plus. Les chaises rangées autour de la salle commençaient à m'inquiéter, à cause de leurs grandes ombres mouvantes, qui, au gré de la flambée à l'agonie, montaient derrière elles, exagérant la hauteur des dossiers le long du mur. Et surtout, il y avait une porte, entr'ouverte sur un vestibule tout noir, lequel donnait sur le grand salon plus vide et plus noir encore. Oh, cette porte! Je la fixais maintenant de mes pleins yeux, et pour rien au monde, je n'aurais osé lui tourner le dos. C'était le début de mes terreurs des soirs d'hiver, qui, dans cette maison pourtant si aimée, ont beaucoup assombri mon enfance. Ce que je craignais de voir arriver par là n'avait encore aucune forme précise. Plus tard seulement, mes visions d'enfant prirent figure. Mais la peur n'en était pas moins réelle et m'immobilisait là, les yeux très ouverts, auprès de ce feu qui n'éclairait plus, quand, tout à coup, du côté opposé par une autre porte, ma mère entra. Oh, alors je me jetai sur elle, je me cachai la tête, je m'abîmai dans sa robe. C'était la protection suprême, l'asile où rien n'atteignait plus, le nid des nids où l'on oubliait tout. Et à partir de cet instant, le fil de mon souvenir est rompu. Je ne retrouve plus rien. Chapitre 3. Après l'image ineffaçable laissée par cette première frayeur et cette première danse devant une flambée d'hiver, des mois ont dû passer sans que rien ne se gravât plus dans ma tête. Je retombais dans cette demi-nuit des commencements de la vie que traversaient à peine d'instables et confuses visions, grises ou roses sous des reflets d'aube. Et je crois que l'impression suivante fut celle-ci que je vais essayer de traduire. Impression d'été, de grand soleil, de nature et de terreur délicieuse à me trouver seule au milieu de hautes herbes de juin qui dépassaient mon front. Mais ici, les dessous sont encore plus compliqués, plus mêlés de choses antérieures à mon existence présente. Je sens que je vais me perdre là-dedans, sans parvenir à rien exprimer. C'était dans un domaine de campagne appelé la Limoise, qui a joué plus tard un grand rôle dans ma vie d'enfant. Il appartenait à de très anciens amis de ma famille, les D, qui, en ville, étaient nos voisins, leur maison touchant presque la nôtre. Peut-être, l'été précédent, étais-je déjà venu à cette Limoise. Mais à l'état inconscient de poupée blanche que l'on avait apportée au cou. Ce jour dont je vais parler était certainement le premier où j'y venais comme petit être capable de penser, de tristesse et de rêve. J'ai oublié le commencement, le départ, la route en voiture, l'arrivée, Mais, par un après-midi très chaud, le soleil déjà bas, je me revois et me retrouve si bien, seule au fond du vieux jardin à l'abandon, que des murs gris, rongés de lierre et de lichen, séparaient des bois, des landes à bruyères, des campagnes pierreuses d'alentour. Pour moi, élevée à la ville, ce jardin très grand, qu'on entretenait guère et où les arbres fruitiers mouraient de vieillesse, enfermait des surprises et des mystères de forêt vierge. Ayant sans doute franchi les buis de bordure, je m'étais perdue au milieu d'un des grands carrés incultes du fond, parmi je ne sais quelle haute plante folle. Des asperges montées, je crois bien, envahies par de longues herbes sauvages. Puis, je m'étais accroupie, à la façon de tous les petits enfants, pour m'enfouir davantage dans tout cela qui me dépassait déjà grandement quand j'étais debout. Et je restais tranquille, les yeux dilatés, l'esprit en éveil, à la fois effrayé et charmé. Ce que j'éprouvais, en présence de ces choses nouvelles, était encore moins de l'étonnement que du ressouvenir. La splendeur des plantes vertes, qui m'enlaçait de si près, je savais qu'elle était partout, jusque dans les profondeurs jamais vues de la campagne. Je la sentais autour de moi, triste et immense, déjà vaguement connue. Elle me faisait peur, mais elle m'attirait cependant, et pour rester là le plus longtemps possible, sans qu'on vînt me chercher, je me cachais encore davantage, ayant pris sans doute l'expression de figure d'un petit pot rouge dans la joie de ces forêts retrouvées. Mais tout à coup, je m'entendis appeler. « Pierre ! Pierre, mon petit Pierrot !» Et sans répondre, je m'aplatis bien vite au ras du sol, sous les herbages et les fines branches fenouillées des asperges. Encore. « Pierre ! Pierre !» C'était Lucette. Je reconnaissais bien sa voix, et même à son petit ton moqueur, je comprenais qu'elle me voyait dans ma cage verte. Mais je ne la voyais point, moi. J'avais beau regarder de tous les côtés, personne. Avec des éclats de rire, elle continuait de m'appeler, en se faisant des voix de plus en plus drôles. Où donc pouvait-elle bien être? Ah, là-bas, en l'air, perchée sur la fourche d'un arbre tout tordu qui avait comme des cheveux gris en lichen. Je me relevai alors, très attrapé d'avoir été ainsi découvert. Et en me relevant, j'aperçus au loin, par-dessus le fouillis des plantes agrestes, un coin des vieux murs couronnés de lierre qui enfermait le jardin. Ils étaient destinés à me devenir très familiers plus tard, ces murs-là, car pendant mes jeudis de collège, j'y ai passé bien des heures perchées, observant la campagne pastorale et tranquille, et rêvant au bruit des sauterelles, à des sites encore plus ensoleillés de pays lointains. Et ce jour-là, leur pierre grise, disjointe, mangée de soleil, mouchetée de lichen, me donnèrent pour la première fois de ma vie l'impression mal définie de la vétusté des choses, la vague conception des durées antérieures à moi-même, du temps passé. Lucette D., mon aînée, de 8 ou 9 ans, était déjà presque une grande personne à mes yeux. Je ne pouvais pas la connaître depuis bien longtemps, mais je la connaissais depuis tout le temps possible. Un peu plus tard, je l'ai aimée comme une sœur. Puis, sa mort prématurée a été un de mes premiers vrais chagrins de petit garçon. Et c'est le premier souvenir que je retrouve d'elle, son apparition dans les branches d'un vieux poirier. Encore ne s'est-il fixé ainsi qu'à la faveur de ces deux sentiments tout nouveaux auxquels il s'est trouvé mêlé. L'inquiétude, charmée devant l'envahissante nature verte, et la mélancolie rêveuse, en présence des vieux murs, des choses anciennes, du vieux temps. Chapitre 4. Je voudrais essayer de dire maintenant l'impression que la mère m'a causée, lors de notre première entrevue, qui fut un bref et lugubre tête-à-tête. Par exception, Celle-ci est une impression crépusculaire. On y voyait à peine, et cependant, l'image apparue fut si intense qu'elle se grava d'un seul coup pour jamais. Et j'éprouve encore un frisson rétrospectif dès que je concentre mon esprit sur ce souvenir. J'étais arrivé le soir avec mes parents dans un village de la côte saintongeaise, dans une maison de pêcheurs louée pour la saison des bains. Je savais que nous étions venus là pour une chose qui s'appelait la mer, mais je ne l'avais pas encore vue. Une ligne de dunes me la cachait à cause de ma très petite taille, et j'étais dans une extrême impatience de la connaître. Après le dîner, donc, à la tombée de la nuit, je m'échappais seul dehors. L'air vil, âpre, sentait je ne sais quoi d'inconnu, et un bruit singulier, à la fois faible et immense, se faisait derrière les petites montagnes de sable auxquelles un sentier conduisait. Tout m'effrayait, ce bout de sentier inconnu, ce crépuscule tombant d'un ciel couvert, et aussi la solitude de ce coin de village. Cependant, armé d'une de ces grandes résolutions subites, comme les bébés les plus timides en prennent quelquefois, je partis d'un pas ferme. Puis, tout à coup, je m'arrêtai, glacé, frissonnant de peur. Devant moi, quelque chose apparaissait, quelque chose de sombre et de bruissant qui avait surgi de tous les côtés en même temps et qui semblait ne pas finir. Une étendue en mouvement qui me donnait le vertige mortel. Évidemment, c'était ça. Pas une minute d'hésitation, ni même d'étonnement que ce fît ainsi. Non, rien que de l'épouvante. Je reconnaissais et je tremblais. C'était d'un vert obscur, presque noir. Ça semblait instable, perfide, engloutissant. Ça remuait et ça se démenait partout à la fois, avec un air de méchanceté sinistre. Au-dessus s'étendait un ciel tout d'une pièce, d'un gris foncé comme un manteau lourd. Très loin seulement, à d'inappréciables profondeurs d'horizon, on apercevait une déchirure, un jour entre le ciel et les eaux, une longue fente vide, d'une claire pâleur jaune. Pour la reconnaître ainsi, la mer, l'avais-je déjà vue? Peut-être inconsciemment, lorsque, vers l'âge de 5 ou 6 mois, on m'avait emmené dans l'île, chez une grand-tante, sœur de ma grand-mère. Ou bien avait-elle été si souvent regardée par mes ancêtres marins que j'étais née, ayant déjà dans la tête un reflet confus de son immensité? Nous restâmes un moment l'un devant l'autre, moi fascinée par elle. Dès cette première entrevue, sans doute, j'avais l'insaisissable pressentiment qu'elle finirait un jour par me prendre, malgré toutes mes hésitations, malgré toutes les volontés qui essayeraient de me retenir. Ce que j'éprouvais en sa présence était non seulement de la frayeur, mais surtout une tristesse sans nom, une impression de solitude désolée, d'abandon, d'exil. Et je repartis en courant, la figure très bouleversée, je pense, et les cheveux tourmentés par le vent, avec une hâte extrême d'arriver auprès de ma mère, de l'embrasser, de me serrer contre elle, de me faire consoler de 1000 angoisses anticipées, inexpressibles, qui m'avaient étreint le cœur à la vue de ces grandes étendues vertes et profondes. Chapitre 5. Ma mère. Déjà 2 ou 3 fois, dans le cours de ces notes, j'ai prononcé son nom. Mais sans m'y arrêter, comme en passant. Il semble qu'au début, elle n'ait été pour moi que le refuge naturel, l'asile contre toutes les frayeurs de l'inconnu, contre tous les chagrins noirs qui n'avaient pas de cause définie. Mais je crois que la plus lointaine fois où son image m'apparaît bien réelle et vivante, dans un rayonnement de vraie et ineffable tendresse, c'est un matin du mois de mai, où elle entra dans ma chambre suivie d'un rayon de soleil et m'apportant un bouquet de jacinthe rose. je relevais d'une de ces petites maladies d'enfant, rougeole ou bien coqueluche, je ne sais quoi de ce genre. On m'avait condamné à rester couché pour avoir bien chaud, et comme je devinais, à des rayons qui filtraient par mes fenêtres fermées, la splendeur nouvelle du soleil et de l'air, je me trouvais triste entre les rideaux de mon lit blanc. Je voulais me lever, sortir. Je voulais surtout voir ma mère à tout prix. La porte s'ouvrit et ma mère entra, souriante. Oh, je la revois si bien encore, telle qu'elle m'a paru là, dans l'embrasure de cette porte, arrivant accompagnée d'un peu du soleil et du grand air du dehors. Je retrouve tout. L'expression de son regard rencontrant le mien, le son de sa voix, même les détails de sa chère toilette, qui paraîtrait si drôle et si surannée aujourd'hui. Elle revenait de faire quelques courses matinales en ville. Elle avait un chapeau de paille avec des roses jaunes et un châle en barège lilas. C'était l'époque du châle, semé de petits bouquets d'un violet plus foncé. Ses papillotes noires, ces pauvres bien-aimées papillotes qui n'ont pas changé de forme, mais qui sont, hélas, éclaircies et toutes blanches aujourd'hui, n'étaient alors mêlées d'aucun fil d'argent. Elle sentait une odeur de soleil et d'été qu'elle avait prise dehors. Sa figure de ce matin-là, encadrée dans son chapeau à grands bavolets, est encore absolument présente à mes yeux. Avec ce bouquet de jacinthe rose, elle m'apportait aussi un petit pot à eau et une petite cuvette de poupée, imitée en extrême miniature de ces faïences à fleurs qu'ont les bonnes gens dans les villages. Elle se pencha sur mon lit pour m'embrasser, et alors je n'eus plus envie de rien, ni de pleurer, ni de me lever, ni de sortir. Elle était là, et cela me suffisait. Je me sentais entièrement consolée, tranquillisée, changée par sa bienveillante présence. Je devais avoir un peu plus de 2 ou 3 ans lorsque ceci se passait, et ma mère environ 42. Mais j'étais sans la moindre notion sur l'âge de ma mère. L'idée ne me venait seulement jamais de me demander si elle était jeune ou vieille. Ce n'est même qu'un peu plus tard que je me suis aperçue qu'elle était bien jolie. Non. En ce temps-là, c'était elle, voilà tout. Autant dire, une figure tout à fait unique, que je ne songeais à comparer à aucune autre, d'où rayonnait pour moi la joie, la sécurité, la tendresse, d'où émanait tout ce qui était bon, y compris la foi naissante et la prière. Et je voudrais, pour la première apparition de cette figure bénie dans ce livre de souvenirs, la saluer avec des mots à part, si c'était possible, avec des mots faits pour elle, et comme il n'en existe pas. Des mots qui à eux seuls feraient couler les larmes bienfaisantes, auraient je ne sais quelle douceur de consolation et de pardon. Puis renfermerait aussi l'espérance obstinée, toujours et malgré tout, d'une réunion céleste sans fin. Car, puisque je touche à ce mystère et à cette inconséquence de mon esprit, je vais dire ici en passant que ma mère est la seule au monde de qui je n'ai pas le sentiment que la mort me séparera pour jamais. Avec d'autres créatures humaines que j'ai adorées de tout mon cœur, de toute mon âme, j'ai essayé ardemment d'imaginer un après quelconque. Un lendemain quelque part ailleurs. Je ne sais quoi d'immatériel ne devant pas finir. Mais non, rien. Je n'ai pas pu. Et toujours, j'ai eu horriblement conscience du néant des néants, de la poussière des poussières. Tandis que pour ma mère, j'ai presque gardé intactes mes croyances d'autrefois. Il me semble encore que, quand j'aurai fini de jouer en ce monde mon bout de rôle misérable, fini de courir par tous les chemins non battus, après l'impossible, fini d'amuser les gens avec mes fatigues et mes angoisses, j'irai me reposer quelque part où ma mère, qui m'aura devancé, me recevra. Et ce sourire de sereine confiance qu'elle a maintenant sera devenu alors un sourire de triomphante certitude. Il est vrai, Je ne vois pas bien ce que sera ce lieu vague qui m'apparaît comme une pâle vision grise. Et les mots, si incertains et flottants qu'ils soient, donnent encore une forme trop précise à ces conceptions de rêve. Et même, c'est bien enfantin ce que je vais dire là, je le sais. Et même, dans ce lieu, je me représente ma mère ayant conservé son aspect de la terre, ses chères boucles blanches et les lignes droites de son joli profil que les années m'abîment peu à peu, mais que j'admire encore. La pensée que le visage de ma mère pourrait un jour disparaître à mes yeux pour jamais, qu'il ne serait qu'une combinaison d'éléments susceptibles de se désagréger et de se perdre sans retour dans l'abîme universel, cette pensée non seulement me fait saigner le cœur, mais aussi me révolte, comme inadmissible et monstrueuse. Oh non, j'ai le sentiment qu'il y a dans ce visage quelque chose d'à part, que la mort ne touchera pas. Et mon amour pour ma mère, qui a été le seul stable des amours de ma vie, et d'ailleurs si affranchi de tout lien matériel, qu'il me donne presque confiance à lui seul en une indestructible chose, qui serait l'âme. Et il me rend encore, par instant, une sorte de dernier et inexplicable espoir. Je ne comprends pas très bien pourquoi cette apparition de ma mère auprès de mon petit lit de malade, ce matin, m'a tant frappée, puisqu'elle était presque constamment avec moi. Il y a là encore des dessous très mystérieux. C'est comme si, à ce moment particulier, elle m'avait été révélée pour la première fois de ma vie. Et pourquoi, parmi mes jouets d'enfant conservés, ce pot à eau de poupée a-t-il pris, sans que je le veuille, une valeur privilégiée, une importance de relique? Tellement qu'il m'est arrivé, au loin sur mer, à des heures de danger, d'y repenser avec attendrissement et de le revoir, à la place qu'il occupe depuis des années, dans une certaine petite armoire jamais ouverte, parmi d'autres débris. Tellement que, s'il disparaissait, il me manquerait une amulette que rien ne me remplacerait plus. Et ce pauvre châle de barège lilas, reconnu dernièrement parmi des vieilleries qu'on voulait donner à des mendiantes, pourquoi l'ai-je fait mettre de côté comme un objet précieux? Dans sa couleur aujourd'hui fanée, dans ses petits bouquets rococo d'un dessin indien, je retrouve encore comme une protection bienfaisante et un sourire. Je crois même que j'y retrouve du calme, de la confiance douce, presque de la foi. Il s'en échappe pour moi toute une émanation de ma mère, enfin mêlée peut-être aussi à un regret mélancolique pour ces matins de mai d'autrefois, qui étaient plus lumineux que ceux de nos jours. En vérité, je crains qu'il ne paraisse bien ennuyeux à beaucoup de gens ce livre, le plus intime d'ailleurs que j'ai jamais écrit. En le notant, au milieu de ces calmes d'éveillés qui sont favorables aux souvenirs, j'ai constamment présente à ma pensée l'exquise reine à laquelle j'ai voulu le dédier. C'est comme une longue lettre que je lui adresserai, avec la certitude d'être compris jusqu'au bout, et compris même au-delà, dans ces dessous profonds que les mots n'expriment pas. Peut-être comprendront-ils aussi mes amis inconnus qui me suivent avec une bonne sympathie lointaine. Et du reste, tous les hommes qui chérissent ou ont chéri leur mère ne souriront pas des choses enfantines que je viens de dire, j'en suis très sûre. Mais, pour tant d'autres auxquels un pareil amour est étranger, ce chapitre semblera certainement bien ridicule. Ils n'imaginent pas ceci, en échange de leur haussement d'épaules, tout le dédain que je leur offre.